tu me fais l'ancien. T'es pensif avec mes ennemis, tu danses. C'est temps si je monte en Espagne, j'ai pris ma conce. Ta bonne peu, ça fait des manières, j'analyse. Je parle peu. Okay. Et quand j'étais tout seul, je regardais la lune. J'appelais mon cousin, faut me défaucher la moule. On avait point rouge, la rage, on voulait tout niquer. Et à rien qui me dérange, je pouvais camputer un flic. Ok, je suis arrivé dans le game, je les ai choqués. Comme un tapé qu'on attrapait sur le côté. Il nous faisait lancer, il s'est fait sauter. Ok, ok, je suis arrivé dans le game, je les ai choqués. Comme un tapé qu'on attrapait sur le côté. Il nous faisait lancer, il s'est fait sauter. Voter, je suis le même que mes potes. On a tous fait des fautes. On a vendu la drogue. Les mains dans les menottes. Je pense au petit, putain qu'est-ce que je l'aime. T'auras pas la même vie que moi, que Dieu me rende aveugle. Okay. Et ça fait pas, pas, pas, pas, pas. M'en veux pas si je pars, pars, pars, pars, pars. Pour soigner mes hématomes, j'ai compris des bleus. Tu veux passer la tonne, t'as même pas un gilet de bleu. Question, tu me fais l'ancien, l'ancien. T'inquiète, on a les engins, c'est danger. Là je roule à fin, je pense en voie séquentielle. Tu poussais pas un pochon à l'ancienne. Question, tu me fais l'ancien, l'ancien. T'inquiète, on a les engins, c'est danger. Là je roule à fond, je pense en mode séquentiel. Tu foutais pas un bon champ à l'ancienne. Je suis le même que mes potes. On a tous fait des fautes. On a vendu la drogue. Les mains dans les menottes. On fait les tours sur la côte. Je repense à l'époque. On rigolait à bloc. J'suis un enfant du bloc. J'avais pas un pour mettre de l'essence dans le spirit. Cherchais à taper un client. Autiste, n'est parti de rien pour toi, jalouse pas. On le mérite, déjà gosse à moitié coupable. Sur le pays, oui, j'ai vu la belle vie, c'est pas donné. Haja dans l'autoport de bagnolet. J'ai l'habitude, ne sois pas affolé. Il m'a trahi, je vais pas le pardonner. J'suis le reflet de mes potes, elle me dit que j'suis sec. J'lui réponds que des lol, alors que j'suis en fumette. Des fois, je sers. J'passe à l'époque, je sers. J'suis le reflet de mes potes, elle me dit que j'suis sec. J'lui réponds que des lol, alors que j'suis en fumette. Des fois, je sers. J'passe à l'époque, je sers. J'suis le même que mes potes.